Chapitre 18. La loi de Lynch. Quelque temps après que Dubreuil eut expédié cette lettre, secrètement remise, comme la première, à un coureur des bois qui la devait jeter ou faire jeter à la poste du Saule de Sainte-Marie, et un soir que l'ingénieur se promenait derrière la factorerie, dans l'enclos renfermant le cimetière des Blancs et celui des Indiens, Jésus vint à sa rencontre. « Tu aimes, dit-il de sa voix mélodieuse, les charmes de la nature ?»« Près d'un champ mortuaire, je ne saurais les admirer, » répondit sèchement l'ingénieur. « Pourquoi, c'est le champ du repos, du seul et unique repos, » murmura le mangeur d'hommes avec douceur. « Aussi j'aime à rêver ici, devant ces tombes qui parlent si éloquemment dans leur profond silence, alors que l'oreille est réjouie par le concert de la grive, de l'oiseau jaune, de l'oiseau bleu, de ce robin à la gorge écarlate, de whip-poop-whip. » Note de l'auteur, espèce de tiercelet, dont le cri a quelque chose d'humain. C'est surtout le soir et la nuit qu'il se fait entendre. Fin de la note. Dont le chant étrange ouvre carrière aux méditations de l'homme réfléchi. Ces paroles singulières, dans la bouche d'un être comme le mangeur d'hommes, furent prononcées d'un ton si simple que Dubreuil jeta sur son interlocuteur un regard tout surpris. Mais aussitôt celui-ci changea de gamme. « On t'appelle, » dit-il impérativement. « Adrien. »« je sais, » fit Jésus avec impatience. « Mais ton nom de famille, tu en as un ?»« Sans doute. »« Quel est-il ? » ?»« Que vous importe de le savoir ?» Le mangeur d'hommes fronça les sourcils. Dubreuil craignait qu'il ne se livrât à une de ces fureurs aveugles auxquelles il était sujet, quand un de ces hommes n'obéissait pas avec la rapidité désirée. Mais le signe de mauvaise humeur disparut aussitôt, et Jésus reprit avec négligence en quittant Dubreuil. « En rien, que m'importe. » À partir de ce moment, il n'adressa plus la parole à l'ingénieur. Ce dernier avait fini par s'habituer à sa nouvelle existence, ou plutôt il la supportait moins difficilement. Pour tromper les longues heures de la journée, il formait des collections d'insectes et de plantes sur des feuilles d'écorce de cèdre, car il ne pouvait se procurer de papier. Il faisait de fréquentes visites aux familles indiennes établies dans le voisinage. Une partie des apôtres était retournée au fort de la Pointe avec le butin fait à la factorerie de Fond du Lac. Le reste habitait cette factorerie, qui paraissait être devenue depuis le commencement d'octobre un centre de recrutement. Chaque jour il y arrivait des trappeurs blancs, qui subissaient une sorte d'examen et d'inspection de la part du mangeur d'hommes, puis étaient renvoyés ou admis, et incorporés après avoir entendu la lecture d'un règlement spécial, y avoir juré fidélité, dans une compagnie sous les ordres d'un apôtre. Il devait y avoir 10 compagnies composées de 20 hommes chacune. Pour y pouvoir entrer, il fallait n'être ni indien, ni métis, ni négro, posséder la taille, la force d'un Hercule, ne pas redouter le meurtre ou la potence, et savoir se soumettre à tous les ordres du chef suprême, le mangeur d'hommes. Évidemment, il se préparait une grande expédition. Dubreuil pensa qu'elle serait de longue durée, car chaque jour les brigands allaient à la pêche et à la chasse et faisaient boucaner quantité de chair de poisson, bison et daim, dont ils convertissaient aussi une partie en taureaux de pémican. L'hiver, le rigoureux hiver, arriva. Notre ingénieur dut renoncer à ses promenades et à ses excursions au dehors. Il y avait 5 pieds de neige autour de la factorerie, et le thermomètre descendait souvent à 35 degrés au-dessous de zéro. Les gens du fort, Jésus en tête, n'en allaient pas moins traquer le bison et les bêtes fauves. Dubreuil passa alors plus d'une journée seul, sans livre, sans moyen d'écrire, trouvant l'inactivité mortelle, y attisant dans la solitude l'ardent amour que Menet ou Ayakon avait allumé en son cœur. Ses ennuis, ses souffrances, je les tairai. Mais qui de mes lecteurs ne les devinera pas? Qui ne devinera les tortures de ce bon jeune homme, bien élevé, aimant, enterré dans un cercueil de glace à plus de 2000 lieues de son pays natal, au milieu du désert, et réduit à recevoir sa subsistance d'une horde d'assassins? Les plus mauvais jours s'en vont comme les bons. L'hiver tirait à sa fin, et le froid ne sévissait plus avec autant de rigueur, lorsqu'un matin Dubreuil fut éveillé par un ourvari dans l'enceinte du fort. C'étaient des aboiements de chiens, des cris d'hommes, des claquements de fouet. Sortant de dessus le paquet de robes de buffle qui lui servait de lit, Adrien courut à la fenêtre, garnie avec des barreaux de parchemin en guise de vitre. Il l'ouvrit. La cour de la factorerie était pleine de monde et d'animaux. On attelait des chiens à traîneaux, dont les apôtres avaient fabriqué en grand nombre durant les derniers mois. Des chiens récalcitrants, cruellement fustigés, hurlaient à fendre les oreilles. Et les hommes, en costumes divers, toques rouges, couvertes de molletons pantalons de même étoffe, mocassins en cuir de caribou, juraient tempêtaient à l'envi. Il y avait là les préparatifs d'un départ. Dubreuil se hâta de finir sa toilette. Ce ne fut pas long. Comme il achevait, on vint le prévenir d'avoir à se disposer à se mettre en route. L'ingénieur jeta sur ses épaules un pardessus en peau d'ours que le manche d'homme lui avait donné et descendit dans la cour. Jésus commanda à Dubreuil de monter dans l'un de ses véhicules, traîné par 5 chiens loups aussi blancs que la neige, et donna le signal du départ. Les fouets firent aussitôt sonner l'air, défilant lestement sous la porte de la factorerie, laissée à la garde d'un apôtre, avec une 20aine de recrues. Les traîneaux, dirigés par le mange d'homme, s'élancèrent sur la croûte de glace qui pontait la rivière de Saint-Louis et l'allongèrent au chant de ces coureurs des bois qui n'entreprennent jamais un voyage sans entonner quelques couplets de leur propre facture. L'un disait « Tous les printemps, tant de nouvelles, tous les amants changent de maîtresse, le bon vin m'endort, l'amour me réveille. Tous les amants changent de maîtresse, qu'ils changent, qui voudront. Pour moi, je garde la mienne, le bon vin m'endort, l'amour me réveille. » Un autre reprenait « Dans mon chemin, j'ai rencontré 3 cavaliers bien montés, Lon-Lon, Laridon d'âme, Lon-Lon, Laridon d'ais. 3 cavaliers bien montés, l'un à cheval et l'autre à pied, Lon-Lon, Laridon d'aine, Lon-Lon, Laridon d'ais. » Un anglais sentimental ajoutait « In the region of lakes, where the blue water sleep, how beautiful fabric was built, light cedar supported its sweet on the deep. » Le temps était superbe, quoique l'air fût vif et piquant. Chaudement enveloppé de moelleuses fourrures, c'était une jouissance inexprimable que de voyager en sleigh. Note de l'auteur, terme indien, il signifie traîneau, et vient de l'anglais slate. Fin de la note. Sous ce beau soleil bleu, profond, qui ressemblait à un immense dais d'azur, placé sur une vaste nappe d'argent, dont l'œil ébloui ne pouvait saisir les franges égarées à l'horizon. Oubliant la compagnie au milieu de laquelle il se trouvait, Dubreuil laissait son cœur se dilater. Il admirait, en artiste, cette longue file de légers traîneaux, revêtus de peintures éclatantes et couverts des pelleteries les plus précieuses que l'on voyait se dérouler, comme les anneaux d'un serpent à chaque coude de la rivière. Il admirait les piquants costumes des conducteurs, glissant agilement sur leurs larges raquettes, près des attelages, dont la tête était à demi noyée dans le nuage de vapeur qui s'échappait de leurs naseaux. De temps en temps, la voix rude d'un Canadien français les apostrophait. « Eh, aïe donc !» Puis c'était un coup de fouet suivi d'un plaintif aboiement, et le cortège fantastique, entraîné par le mange d'homme, toujours habillé de rouge, filait comme l'équipage du prince des enfers dans quelque vieille légende allemande. La troupe arriva de bonne heure à l'embouchure de la rivière Saint-Louis dans le lac supérieur. On y fit halte pour laisser reposer les hommes et les bêtes. Jésus vint trouver Dubreuil en contemplation devant la plaine de glace qui se déroulait à plusieurs lieues devant lui. « Tu sais où nous allons ? » lui dit-il. « Non. » « Nous allons à Kiwina, où j'aurai besoin de tes services et où je te récompenserai suivant tes mérites. Si tu ambitionnes la fortune, tu seras bientôt satisfait, car les mines sont riches. Dans 2 jours elles seront à moi, et par le Christ, mon frère aîné, je suis généreux avec ceux qui me servent. » Adrien ne jugea pas à propos de répliquer. Mais, ajouta Jésus, en ponctuant ses paroles d'un regard plein de fierté, il faut être entièrement à ma dévotion. Je tue les désobéissants. Tu connais ma manière de procéder à leur égard, ajouta-t-il avec un sourire sinistre. Oui, je ne connais que trop votre odieuse. C'est bon, je compte sur toi. Là-bas, tes instruments d'ingénieur te seront rendus. Tu auras pleine liberté et 100 hommes sous ta direction. Mais souviens-toi encore que toute tentative d'évasion serait punie de mort. » S'adressant alors à l'apôtre qui conduisait le traîneau de Dubreuil, « Tu réponds sur ta vie de cet homme, veille à sa conservation. » Il rejoignit ensuite la tête de la colonne, qui s'ébranla de nouveau, en suivant la rive méridionale du lac. Dans la soirée, on bivouaqua sur la glace, après avoir allumé de grands feux et dressé les tentes. on avait fait plus de 50 000. Le lendemain, on se remit en route avant l'aube, et durant 8 jours successifs, la bande s'avança, ainsi, à marche forcée, vers la presqu'île Kiwina. Elle atteignit sans obstacle les bords de la rivière de la petite truite saumonée, à 9 000 du portage de la presqu'île. Là, Jésus réunit ses apôtres en conseil, et délibéra longuement avec eux. Les hommes étaient en bonne disposition. Tous brûlaient d'attaquer les établissements américains, où ils espéraient trouver des trésors inépuisables, et tous comptaient sur une victoire facile. On n'avait signalé que 2 désertions. Au conseil, il fut résolu de partager la troupe en 2 portions. L'une quitterait le lac pour s'enfoncer dans les bois sur la droite et cerner les Yankees au pied de la pointe. La seconde, dirigée par le mangeur d'hommes, remonterait le portage jusqu'au petit lac marécageux dont nous avons précédemment parlé, et envelopperait les mineurs de l'autre. Quoiqu'ils fussent 400 ou 500, Jésus ne doutait pas que, pris entre 2 feux et ignorant la force des assaillants, ils ne se rendissent promptement à sa merci. Les ténèbres de la nuit devaient encore aider à l'exécution de l'entreprise. La première bande, ayant un long trajet à faire, partit vers 2 heures de l'après-midi. L'autre ne commença ses opérations qu'à 9 heures du soir. Tous les traîneaux, avec Dubreuil et quelques hommes de garde, furent laissés au bas du portage. Le temps était noir, tempétueux. Il soufflait du nord une bise glaciale, qui chassait devant elle une aveuglante poudrerie de neige. Après avoir allumé sous sa tente un bon feu, Dubreuil s'étendit dans sa robe de bison et essaya de dormir. Mais l'émotion et le froid l'empêchèrent longtemps de fermer les yeux. Cependant, vers le milieu de la nuit, il finit par s'assoupir et n'entendit pas la crépitation d'une fusillade nourrie sur les caps qui dominaient le campement. Des cris tumultueux l'éveillèrent brusquement. Aux lueurs mourantes de son feu, il vit sa tente envahie par des gens qu'il ne connaissait pas, qui se saisirent de lui, le garrottèrent durement, en proférant en anglais 1000 malédictions contre les apôtres. Ces gens appartenaient aux compagnies de mineurs de la pointe. Prévenus par un des déserteurs de l'attaque que Jésus avait projetée contre eux, ils s'étaient mis sur la défensive, et au lieu d'une victime endormie, incapable de résister, les apôtres avaient rencontré un ennemi armé jusqu'aux dents, fort par le nombre et la légitimité de son droit, qui les avait repoussés et déroutés, après leur avoir tué 50 d'hommes et fait prisonnier le redoutable Jésus, avec plusieurs de ses subordonnés. Jésus s'était battu comme un lion, mais criblé de blessures, il tomba dans la mêlée, et tenta de se donner la mort en se tirant un coup de pistolet à la tête. Un Américain qui l'avait reconnu à son costume rouge, tranchant sur la blancheur de la neige, détourna le canon de l'arme, s'empara du mangeur d'hommes, lui lia les mains derrière le dos et le traîna triomphalement à la hutte qui servait de bureau à la compagnie des mines. C'est dans cette cabane que Dubreuil fut aussi déposé avec les autres prisonniers. Il avait essayé de protester de son innocence de raconter ses mésaventures. Alors, loin de l'écouter, les Yankees s'étaient moqués de sa difficulté à s'exprimer en anglais. À un moment, l'infortuné jeune homme caressa encore l'idée que bientôt on découvrirait l'erreur, et qu'il y avait plutôt lieu de se féliciter que de s'affliger de sa situation. Ce moment fut hélas de courte durée. La conversation de ses co-détenus lui fit dresser les cheveux sur la tête. « Nous serons pendus demain, » disait tranquillement l'un. « C'est probable. Après tout, un jour ou l'autre, ça devait m'arriver. »« Mais on fera une enquête, » demanda Dubreuil. « Une enquête ? » ?»« Oui, un procès, » continua l'ingénieur tremblant. « Un procès ici ? Ça serait du beau, ma foi. » « Qui aurait jamais vu ça ? On nous lynchera, mon brave. »« Que voulez-vous dire ? Ah, vous n'êtes pas du pays, vous, ça se sent. Eh bien, être lynché, ça signifie être accroché par le cou à un arbre ou à une potence, sans jugement d'aucune sorte. Et pourtant, jusqu'à ce que mort s'en suive, ajouta-t-il avec un ricanement cynique. » Dubreuil frissonna et passa le reste de la nuit livré aux plus violentes impressions. Le mangeur d'hommes ne prononça pas une parole, ne laissa pas échapper une plainte, quoiqu'il souffrit atrocement de ses blessures. Parfois ses yeux s'attachaient avec intérêt sur Dubreuil. Il eut l'air de vouloir lui communiquer quelque chose, et cependant il demeura muet. Dès le matin, un roulement de tambour annonça un événement extraordinaire. On fit sortir les prisonniers de la salle où ils étaient entassés. Devant le bureau de la compagnie, il y avait une esplanade, et sur cette esplanade 3 grands chênes. dont les membres squelettiques pliaient et gémissaient douloureusement aux rafales du nord-ouest. Des plus grosses branches pendaient des cordes munies d'un nœud coulant. On pouvait en compter 15, juste autant que de prisonniers. Au sommet des arbres, quelques corbeaux tournoyaient lentement, en poussant par intervalles des cris aigus. Le ciel était gris, sombre, il faisait, comme disent les Canadiens français, un froid noir. Une foule compacte de mineurs, armés de leurs fusils, formait autour des arbres un cercle, qui venait se fermer de chaque côté du bureau. Un homme quitta le cercle, s'avança au milieu de l'esplanade, et avec un accent grave, solennel, il dit « Au nom de Dieu qui m'entend, je déclare, moi, Joseph Cartman, que nous étant réunis 12 sous la présidence de l'honorable Wilkinson pour juger sommairement les prisonniers, que nous avons fait sur la bande d'assassins, dites les 12 apôtres, et principalement leur chef, surnommé le mangeur d'hommes, les avons trouvés et trouvons coupables de conspirations, homicides et meurtres au premier degré, et les avons condamnés à être pendus ce jour et à cet instant même. Que Dieu ait pitié de leur âme !» Comme il terminait, Jésus s'écria d'une voix tenante, en désignant du regard Adrien Dubreuil, terrifié par ce spectacle lugubre. « Ce jeune homme ne doit pas partager notre sort. Il n'a rien de commun avec nous. C'était mon captif. Je l'ai amené de force à Kiwina. Je compte, citoyen, sur votre justice pour lui rendre la liberté. Et je crois bien qu'on la lui rendra, la liberté, car il est innocent comme l'enfant qui vient de naître, monsieur Dubreuil, » ajouta un vieux trappeur en se précipitant vers Adrien. « Et je vous jure, moi aussi, qu'il est innocent, le marchef, sans vous manquer de respect, » cria un personnage aux longues moustaches jaunes, se démenant comme un enragé entre les mains des mineurs, qui voulaient l'empêcher de forcer leur rang. « Monsieur Rondeau, » fit Dubreuil à la vue du trappeur. « Pas monsieur, mais le père Rondeau, s'il vous plaît. »« Dubreuil, il s'appelle Dubreuil, mes pressentiments ne me trompaient donc pas, » murmurait le mangeur d'hommes en examinant Adrien avec la plus vive attention. Les exécuteurs de la loi de Lynch se consultaient, mais la plupart des mineurs, connaissant le père Rondeau, se portèrent garants pour son protégé, dont les liens furent aussitôt coupés. « Maintenant, le supplice des coupables, » reprit l'homme qui avait prononcé la sentence. 14 individus, vêtus de noir et le visage barbouillé de charbon, s'approchèrent des 14 prisonniers. « Je demande à parler à ce jeune homme, » dit alors Jésus. On lui accorda cette faveur. « Vous vous appelez Dubreuil ? » fit-il avec émotion. « Oui, » répondit Adrien, que le père Rondeau tenait serré dans ses bras. « Vous êtes de Cambrai ? » ?»« Oui. »« Votre père était capitaine de vaisseau, » continua le mangeur d'homme, en proie à une agitation croissante. « Comment ?»« Et vous aviez un frère nommé Adolphe, qui s'enfuit de la maison paternelle à la suite d'un vol qu'il avait commis pour satisfaire le caprice d'une maîtresse, quand vous n'aviez guère que 7 ou 8 ans. Vous seriez, » balbutia l'ingénieur dans un trouble inexprimable, « Je suis votre frère, adieu. Je remercie le ciel de ne m'avoir pas permis de couronner mes crimes par le plus abominable de tous. » Il se livra au bourreau, pendant que le père Rondeau arrachait Dubreuil à cette horrible scène d'expiation. Quelques minutes après, 14 cadavres se balançaient aux rameaux décharnés des chaînes, et les corbeaux rétrécissaient leur cercle en battant des ailes, coassant et s'abaissant de plus en plus sur les têtes de ces cadavres.